travail à cœur, Marilyn Gomez. Bonjour à tous et bienvenue. Quel avenir pour l'hôpital demain ? C'est le thème de notre émission d'aujourd'hui. Bonjour Christophe Prudhon, merci d'être avec nous. En tant que médecin urgentiste, comment la crise sanitaire a-t-elle été gérée de votre point de vue ? Eh bien, nous avons été confrontés à une hausse brutale de notre activité avec des moyens qui étaient totalement insuffisants, à la fois en ce qui concerne les moyens de protection, tenues, masques, manque de lits de réanimation. Donc toute cette crise a été très très mal gérée, y compris avec des mensonges de la part du gouvernement, puisque les mesures qui étaient prises et qui étaient soi-disant justifiées par des mesures de santé publique, enfin, des arguments sanitaires, en fait, étaient justifiées uniquement par le fait qu'il fallait gérer une pénurie à tous les niveaux. Que pouvons-nous faire à l'avenir pour améliorer les conditions en milieu hospitalier ? Bah écoutez, il va falloir que le gouvernement change complètement de logiciel. Hein. C'est ce que nous réclamons depuis maintenant fort longtemps. Il faut savoir que si le gouvernement avait répondu aux revendications des personnels des EHPAD il y a 2 ans et demi maintenant, eh bien, nous aurions eu beaucoup plus de personnel, beaucoup plus de moyens dans les EHPAD et sûrement beaucoup moins de morts, comme dans un certain nombre de pays d'Europe du Nord, hein, qui ont su beaucoup mieux gérer cette situation dans les établissements pour personnes âgées. À l'hôpital, le manque de lits, vous savez, à force de former des hôpitaux, à force de fermer des lits, la crise était liée au fait que nous avions brutalement besoin de beaucoup de lits de réanimation, mais nous n'en avions pas assez. Cette crise n'a pas été ressentie par nos collègues allemands. Nos collègues allemands avaient, au départ de la crise, 3 fois plus de lits de réanimation rapportés à la population que nous en France. Donc voilà, donc manque de lits de réanimation, obligation de transfert, enfin en tout cas, moi j'exerce en Seine-Saint-Denis, on a été obligé de transférer des patients à l'autre bout de l'île de France, on a même organisé ces fameux TGV sanitaires, ce qui était une grossière erreur. Il valait mieux transférer du personnel et du matériel dans les locaux existants, en particulier dans les hôpitaux qui ont été fermés en partie, comme l'hôpital de l'Hôtel-Dieu, l'hôpital Jean-Verdier dans mon département, où nous avions des locaux pour accueillir du personnel et du matériel et ouvrir des lits de réanimation, plutôt que de faire ce choix des TGV sanitaires, qui était plus un choix à visée médiatique du gouvernement que réellement d'une efficacité comme on aurait pu nous l'attendre au niveau médical.